La vie est si fragile, le temps qui défile. La vie est si subtile, mon cœur est fébrile. La vie au-dessus.